Chérie, chérie, c'est Bruno. S'il te plaît, réponds. Réponds-moi. Allô? Salut, c'est Kéra, je ne suis pas disponible. Laisse-moi un message juste après le signal. À bientôt. Pensée, mon ralent moins cassé, mauvais pensée.